On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the girl, I play the drums. Wow! On the rocks. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai eu de pêche, les gars, wouh! Bonsoir, bande de petits vénards et bande de petits vénards, c'est On the Rocks, comme presque tous les lundis soirs, de 19h à 20h30. Désormais, c'est Manu, depuis bientôt 30 ans, qui vous tient la grappe, voilà, qui vous propose des petits morceaux toutes les semaines. Et ce soir, ça va être une émission assez formidable, puisque ça va être une retrouvaille avec une artiste majeure que j'ai eu la chance d'interviewer lors du festival Hop Hop Hop. Et d'abord, le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est un fantasme pour moi. C'est vraiment un fantasme. On peut pas dire mieux. Ce sont deux artistes qui n'avaient jamais enregistré ensemble. Ils s'étaient croisés quelques fois sur des scènes, mais jamais enregistré ensemble. Et alors là, voilà, ça fait partie de mes deux idoles des années 80. J'en avais quelques-unes, mais ceux-là vraiment étaient en tête de liste. À ma gauche, un monsieur qui a sorti dans les années 80 trois albums, au moins trois albums de suite, qui étaient des chefs-d'œuvre absolus. Scarecrow et Lumpson Jubilee. Il s'appelle John Mellencamp. Il s'appelait John Cougar Mellencamp dans les années 80. Voilà, avec une voix rocailleuse, des morceaux imparables qui mènent le rock'n'roll à la Stones et des petits violons, des accordéons un peu roots. C'est lui qui a créé le festival Farmhead pour venir en aide aux fermiers américains dépossédés de leurs biens et de leurs richesses depuis les années Reagan. Et puis à ma droite, quelqu'un qui traverse une phase un petit peu sombre, avec qui se retourne beaucoup sur les fantômes de son passé, sur les morts qui l'entourent, sur le temps qui passe, qui a beaucoup maigri, qui ne rigole plus beaucoup, mais qui pourtant est une de mes idoles absolues, c'est Bruce Springsteen. Et bien voilà, sur le prochain album de John Mellencamp, qui devrait arriver au mois de novembre, il y aura trois morceaux où Bruce Springsteen viendra croiser le fer avec son nouveau grand copain. On les voit en photo partout ensemble, ils se promènent dans la rue. John Cougar Mellencamp, John Mellencamp donc, et Bruce Springsteen. Il y a un single qui vient de sortir, annonciateur de cet album. On va se le diffuser maintenant, c'est le coup de cœur. Alors voilà, le morceau, c'est peut-être pas le meilleur morceau de Bruce Springsteen, ça c'est sûr. En tout cas, pas le meilleur morceau de John Mellencamp. Mais il revient à des choses, à des sonorités qu'on lui connaissait déjà avant. Alors, vous voyez le clip, c'est un peu pépère. Hein. Ils jouent à la crapette tous les deux, ils font un peu la tronche. Ils jouent de la guitare sèche dans les champs en se disant « Oulala, on est vieux, le temps passe, on est bientôt mort ». C'est un peu le thème de tout ce que fait Bruce Springsteen depuis quelques années et de John Mellencamp sur ce morceau. C'est John Mellencamp qui écrit, compose et interprète le morceau avec, en deuxième voix, qui est en duo, c'est un vrai duo, c'est pas des chœurs derrière, et en guitare, Bruce Springsteen. Voici donc un morceau où je me serais mis en PLS, hein, dans les années 80, si il y avait eu cette association là. Là, ça m'émeut de les voir tous les deux ensemble arriver à un âge plus qu'honorable, puisque John Mellencamp va doucement vers les 65 ans, je pense, et Bruce Springsteen a dépassé les 70. Ça s'appelle Wasted Days. Voici donc, et c'est John qui commence. Montez le son, vous êtes dans The Rocks. How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's counting out these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days. Our lives just fade away to more wasted days. sound worth the time. And who on earth is worth that time? Is there a heart here that I can call mine? Watch our lives just fade away. Like everything else, an old crazy dream. vacation down at the Gulf, Mexico. Oh yeah. And there's winners and there's losers, but they ain't no big deal, because the simple man, baby, pays for thrills with pills, with pills that kill now. Ah, oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home of the free? Little pink houses for you and me. D'abord, le coup de cœur ce soir dans The Rock, c'était John Mellencamp avec Bruce Springsteen et Wasted Days. Et à l'instant, c'était un des vieux complices de Bruce Springsteen qui monte sur scène à Paris. À chaque fois que le boss passe, il monte sur scène pour un titre, généralement pour Born to Run. C'était Elliot Murphy avec sa voix de gros ours mal léché sur ce Pink Houses, qui là aussi est une reprise d'un morceau de John Mellencamp qui figure sur son album Hein, justement, son album fabuleux du milieu des années 80. Et il est en duo sur ce morceau de John Mellencamp qui est en train de devenir le morceau un peu étendard de John Mellencamp depuis quelques années aux États-Unis. Avant c'était Jack and Diane, maintenant c'est Small Town, maintenant c'est plutôt ce morceau Pink Houses. Eh bien c'est Natalia M. King, et oui, ma chère amie Natalia M. King, en duo donc avec Elliot Murphy à l'instant sur Pink Houses, extrait de son album qui devrait pas tarder à venir au mois de novembre. Il y a une interview en boîte de Natalia M. King, mais j'attends juste les morceaux de l'album et l'autorisation du label qui est Dixie Frog désormais pour pouvoir diffuser cette interview. Elle a monté avec les morceaux de l'album, pour l'instant on n'en connaît que deux, à Cat Chosen et ce Pink Houses. Les deux morceaux sont absolument magnifiques. Donc voilà, merci Natalia. Voilà, deux duos vraiment pour commencer. John Mellencamp, Bruce Springsteen, Natalia M. King, Elliot Murphy. J'étais cœur de cible. Et ben, c'est pas fini. Il y a un album qui vient de sortir. On s'est déjà diffusé quelques morceaux dans On the Rock. C'est la bande originale du film du dernier Sean Penn qui raconte l'histoire d'un père et sa fille. Le rôle du père est joué par Sean Penn. Le rôle de la fille est joué par sa fille à Sean Penn. Et bien, il y a eu Glenn Hansard des Frames DC, donc, qui est en duo et qui a collaboré sur cet album avec Eddie Vedder de Pearl Jam. Il y a également Cat Power qui livre quelques morceaux et la fille d'Eddie Vedder. Décidément, une histoire de père et fille, cet album et ce film. Eh bien, là, voici un morceau qui s'appelle donc Tender Mercies, qui figure sur ce magnifique album, qui vraiment, pour moi, est un des plus beaux albums de ce début d'automne. Glenn Hansard, donc, en duo avec Eddie Vedder, ça aussi, je pouvais en rêver. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y a bien des années, à l'époque du deuxième album des Frames, j'avais interviewé Glenn Hansard, c'était à Saint-Nazaire, une longue interview où il m'avait dit que voilà, il débutait sur les scènes internationales, il était un peu connu en Irlande, mais pas beaucoup en dehors de l'Irlande. Et à l'époque, il me disait avoir croisé Jeff Buckley, surtout être fan de Pearl Jam. Mais à l'époque, il en parlait comme un groupe dont il était fan. Maintenant, c'est un des amis les plus intimes d'Eddie Vedder. Il en a fait du chemin. Et bien, tant mieux pour lui. Tender Mercies, c'est un morceau. Glenn Hansard, Eddie Vedder, c'est un duo et c'est dans The Rocks. Came to nothing. This long. Les nouveautés dans The Rocks pour commencer l'émission. D'abord Glenn Hansard et Eddie Vedder avec Thunder. Merci. Et à l'instant, c'est une nouveauté avec Pip Bloom. Voilà, chanteuse dont j'ignorais à peu près tout, mais qui vient de sortir ce morceau qui tourne pas mal dans mes oreilles depuis une semaine. Different Tune, c'est le nom de ce morceau de Pip Bloom. Voilà, une guitare, une voix, une assurance. Pip Bloom le fait bien, mais il y a quelqu'un qui le fait encore mieux. Cette fois, c'est avec une guitare basse et ça fait quelques années que ça dure. Elle s'appelle Laetitia Sheriff et c'est une des pépites de la musique hexagonale. Parfois assez méconnue, parfois connue et alors là, reconnue. Laetitia Sheriff, que j'ai eu la chance de croiser déjà par deux fois dans The Rocks. D'abord, c'était en 2004 au moment de son premier album, Codification, alors qu'elle était en concert à l'Astrolabe. Ensuite, il y a eu un album en 2008, Game's Over, un autre en 2014, Pandemonium, et puis 2020, 6 ans plus tard, cet album qui s'appelle Stillness, Immobilité. C'est vraiment pas le cas de Laetitia Sheriff. L'immobilité, ça lui va pas du tout. Elle est toujours en mouvement, toujours avec enthousiasme. Alors on l'aurait un peu vite catalogué dans la PGRV à la française. C'est pas exactement ça. C'est tout à fait elle, tout à fait Laetitia Sheriff. Et j'ai eu la chance de la croiser à nouveau après son concert à Hop Hop Hop, au festival Hop Hop Hop. Elle m'a livré une petite interview. La précédente était vraiment foisonnante, cette interview. Celle-là était un peu plus légère, un peu plus courte aussi, mais en tout cas toujours avec cet enthousiasme et cette sincérité dans les propos. Ça a été un véritable plaisir de la retrouver sur scène et ça a été un véritable plaisir de la retrouver derrière mon micro, ou devant, je sais pas comment on peut dire, non, derrière mon micro. Voici donc l'interview de Laetitia Sheriff enregistrée il y a quelques semaines. C'était à Orléans, donc c'était juste backstage à Hop Hop Hop, et on démarre maintenant. Elle était en trio sur scène et c'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je suis avec Laetitia Sheriff dans les loges un peu après son concert et un peu avant qu'elle boive un coup avec des amis. Salut. Bonjour. Bon, je suis très heureux de te retrouver et l'avantage quand on fait une émission qui dure depuis longtemps et qu'une émission de vieux, c'est qu'on se croise, c'est moi le vieux, c'est pas toi, qu'on se croise plusieurs fois. Donc la première fois que je t'avais vu, c'était à l'époque du premier album et t'étais à la fois extrêmement déterminée, pugnace et fragile. Il y a 6 ans, t'étais dans une espèce de zénitude où tu disais que tu voulais gagner en confiance et en sagesse, mais que t'étais sur le bon chemin. Mais c'était pourtant une période un peu difficile avec des deuils et tu venais de te faire piquer tout ton matériel. Tu l'avais retrouvé à l'époque. Tu venais de le retrouver. Et là, 6 ans plus tard, quelle est la Laetitia Sheriff que j'ai devant moi au micro? Je pense un peu la même encore. On ne change pas comme ça. Quand tu m'as dit une émission de vieux, je me suis dit, oh, il a remarqué. Non, c'est moi aussi. Et on a beau vieillir, on reste quand même avec des bases qui sont indécrottables, quoi. Donc, je crois que je suis la même. Il y a peut-être des petits changements et tout ça qui ne sont pas des changements physiques ou... pas que, je veux dire. je ne sais pas quoi dire. Il y a plein de choses. Plein de choses qui peuvent se passer en 6 ans, quoi. Et souvent on me demande mais qu'est-ce qui s'est passé entre votre dernier album et puis maintenant, et en fait j'ose pas dire parce qu'il y a quand même des choses aussi personnelles, j'ai vécu, c'est exactement ça, donc ça a sans doute changé certaines choses, voilà. Alors, il y a quelque chose pour avoir savouré l'album et t'avoir vu sur scène tout à l'heure. Tu as construit ta carrière musicale sur un minimum de compromis. Sans compromis, est-ce que parfois c'est épuisant d'avoir ce... Oui, sans doute. Enfin, oui, ça l'est, parce que t'as toujours l'impression d'être dans cette petite niche là, cette petite grotte. Et finalement, non, il suffit. C'est peut-être ça qui a changé aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire de faire les choses sans compromis totalement. Je crois que c'est pas possible. Il en faut quand même. Donc c'est peut-être ça qui a changé. Et quand tu es sans compromis totalement, en fait, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que à un moment, tu vas te retrouver seul, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui te dérangera, des propositions qu'on pourra te faire, ou voir le monde évoluer autour de toi, et c'est pas bon. Enfin, d'être dans ce fight-là au quotidien, surtout quand t'as le sentiment d'être... Alors, je me sens pas seule, mais si c'est pour faire un regroupement de gens qui sont comme moi et tout ça, enfin, l'idée quand même, c'est aussi d'être un peu plus dans l'ouverture aussi, quoi, de découvrir d'autres choses. Merci. On vient de me rapporter une bière. Je suis trop contente. Le bonheur. Par exemple, tu vois, mon label, Lyotanka, il travaille le digital. Et très honnêtement, il y a quelques années, j'aurais fait ah non, c'est pas possible quoi. Moi, j'ai besoin du disque physique, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de développer avec eux parce qu'ils ont les clés, ils ont les codes, etc. Ça va se faire tout en douceur. En plus, on sait très bien ce que ça peut représenter, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon, si c'est important pour eux, ce qui se développe, c'est un petit label. Ben, je vais avec eux. Ils me font confiance. Enfin, sur les deux derniers albums, on a. Je pilotais et en même temps c'était important quand même qu'on y aille ensemble et je trouvais qu'il y avait un truc vraiment chouette de sentir une équipe passionnée et donc voilà quand on commence à travailler avec des gens qui sont passionnés, qui sont engagés, investis, on peut accepter certains compromis. l'instant, c'était Laetitia Sheriff, tirée de son dernier album, le morceau qui ouvre cet album. L'album s'appelle Stillness. Le morceau, c'était People Rise Up. Et on va retrouver la deuxième partie de l'interview de Laetitia Sheriff, justement, enregistrée le 18 septembre dernier dans les loges du festival Hop Hop Hop. Et sur ton écriture, on a l'impression qu'il y a une sorte de tendance actuelle de devoir écrire un peu sur le monde et sur ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et souvent de choses malheureuses. Toi, t'as été plutôt jusqu'ici dans une écriture sur l'intime. Est-ce que ça bouge ou pas ? Pas seulement sur l'intime en fait. Je crois que ce disque-là, Stillness, je me suis posé la question parce que je le trouvais différent par rapport aux autres. Mais je pense que les thématiques que j'aborde, je les aborde depuis toujours. Sur le premier album, il y avait un morceau qui s'appelait Roses. C'était une image de ce qu'on faisait de nos vies, de nos villes, des endroits où on habite, où on doit composé avec la brique, je parle de brique parce que je viens du Nord, mais avec l'aspect minéral, couper les arbres et arrêter de regarder la beauté de la nature en fait quoi. C'était déjà là à ce moment-là. C'est pas tout l'album, celui d'après, il a été hyper chamboulant pour moi parce que j'ai évoqué effectivement des choses personnelles, mais j'ai évoqué aussi des concernant ma famille, mes origines, ma solitude, mon questionnement sur qu'est-ce que je fais là, etc. Je pense à Black Dog, enfin, mais j'ai toujours utilisé des images, je suis pas trop dans l'intime, quoi. C'est pas frontal. J'essaie toujours d'utiliser la poésie et puis des images ou de composer des personnages aussi. Mais à cette période-là, j'avais été jurée aux assises. Donc il s'est passé quand même des choses et j'ai commencé à aborder cette idée de la dualité entre le bien et le mal, m'amuser aussi de m'adresser à des dieux qui existent ou qui n'existent pas. J'ai vu un documentaire avec Nick Cave qui est passé sur Arte où il parlait de ça et dit je parle toujours à un dieu, mais c'est parce que j'ai créé un témoin. Il faut en créer un, c'est pas réel, mais et du coup j'ai continué. Il faut un interlocuteur. Là, je m'aperçois que je m'adresse plus directement aux gens en leur disant j'ai peur. Est-ce que vous avez peur comme moi qu'on oublie notre histoire? Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est un perpétuel recommencement. Donc, est-ce qu'on reste immobile? Est-ce qu'on s'y met? Est-ce qu'on relit un peu ses classiques? C'est bien, pas besoin d'être venir d'une famille de gens cultivés, etc. Enfin, c'est juste, est-ce qu'on arrive à se regarder maintenant? Steering World, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut attendre le pire pour qu'on arrive à se regarder, à être ensemble et tout ça? On a eu des petits soupçons de sensations comme ça l'année dernière et ça s'est... Et pourtant le disque était écrit avant, mais si tu vois, c'est un perpétuel recommencement en fait. Donc c'est pas du tout original ce que j'écris au final. Thank you. De ce que fait Laetitia Sherif, mais avec un son qui évolue quand même. Si on écoute le premier album, ce n'est pas tout à fait exactement la même tambouille. Ça sonne, c'est fort. C'était un morceau qui s'appelait A Steering World, qui figure sur son dernier album qui s'appelle Stillness, mais tout n'est pas vraiment aussi habituel sur cet album. Il y a un morceau en particulier qui s'appelle Deal With This, qui est un tube imparable. Elle a fini le concert par ce morceau In Extremis, et voilà, et on chantonne encore la fin du morceau da, ba, ba, comme on pourrait chantonner un morceau des Beatles ou des Beach Boys à la fin. On parle de ce morceau donc dans cette interview. On retrouve Laetitia Sherif backstage à Hop Hop Hop. Alors il y a quelque chose qui a bougé quand même sur le dernier album. Tu jongles souvent entre l'ombre et la lumière, un petit peu avec un côté lumineux mais un peu rêche. Et là il y a ce morceau Deal With This. J'ai eu peur que tu ne le joues pas ce soir. Je me suis dit, elle va pas la jouer et tu la joues en dernier. Ou là, après une espèce de départ en trompe-l'œil. C'est un morceau, peut-être ton morceau le plus solaire à ce jour, musicalement. À la fin, on a l'impression d'être chez les Turtles, quasiment, là, ou chez les Beach Boys. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est une merveille, ce morceau. Oh, bah merci. Ben, on a beaucoup écouté les Beatles pendant... Mais bon, avant qu'on passe en studio avec mes comparses, Nicolas Courret et Thomas Poli, moi j'avais commencé à faire mes petits sketches dans le local de répétition et tout ça. Deal With This est arrivé en fait, et je me suis dit, alors au début je l'appelais Kim Deal, et c'est passé à Deal With This, et après c'est passé à cette idée d'avoir un petit mantra joyeux dans ma vie. Et puis en fait je commençais toutes mes journées de répétition quand je bossais toute seule par un truc un petit peu brésou, enfin c'était un peu de limite, mais du coup avec cette idée de faire un petit hymne pop, et quand j'ai proposé ça aux gars, ils ont trouvé ça hyper cool, et puis ça, on a développé le truc. Je me dis, oh punaise, ce serait bien, c'était le moment qu'il y ait des flutios et tout ça. Oh, c'est cool. Par contre, on commence tout en douceur, quoi. Il y a un truc un peu brumeux, et puis hop, on va vers la lumière, quoi. Ouais. Your pain. Don't be afraid. D'abord un morceau qui a failli s'appeler Kim Deal, c'était Deal With This, ah, vous voyez le jeu de mots, et puis à l'instant c'était Kim Deal, la vraie, ex-bassiste des Pixies, évidemment vous l'aviez reconnu avec une de ses dernières livraisons, ça s'appelle Are You Mine, voilà, on s'est rendu compte après le départ de Kim Deal qu'elle était vraiment vraiment essentielle à l'art de Black Francis, Frank Black, appelez-le comme vous voulez. On va retourner à celle qui est la principale préoccupation de l'émission ce soir, tous les regards et les micros sont tournés vers elle. Voici donc la suite de l'interview de Laetitia Sheriff enregistrée le 18 septembre dernier. Justement, par rapport à ces petits sketches de début, il y a un autre morceau sur l'album qui s'appelle We Are You, qui est extrêmement orchestré, cinématographique presque. Est-ce que cette envie de grands espaces sonores, elle est là dès les maquettes, ou est-ce que c'est au moment de l'enregistrement que ça arrive? Au moment de l'enregistrement, non, peut-être pas. J'étais sur quelque chose de très brut et très très frontal avec Nico et Thomas. Mais par contre, on a fait. Il était prévu dans notre période de studio de faire une semaine de ce qu'on appelle des overdubs. Donc c'est les arrangements. Et moi, ça faisait super longtemps que je voulais faire des arrangements de cuivre. Mais du coup, ça s'est vraiment développé au fur et à mesure. J'avais quand même l'idée, mais si tu veux, j'osais pas. Pourquoi t'osais pas? Je sais pas. Je pense que j'avais peur de me lancer. Et en fait, j'ai trouvé la personne idéale pour me faire ces parties-là. Et quelqu'un de très délicat, de très attentif, de très à l'écoute. Donc Clément Leminicier. Et je me suis dit bon bah j'ai envie de recommencer maintenant hein. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'on est en train de préparer une formule live avec des cuivres. Je vais pas balancer déjà mais ça va se passer au Rocomotive. Et donc les autres morceaux seront réarrangés avec les cuivres, juste sur quelques morceaux? Il y aura 5-7 morceaux. Il y a d'autres morceaux qui ont été arrangés là. On sort de résidence, là on était à la nouvelle vague de Saint-Malo. On a bossé une formule à 4, donc Thomas Poli n'est pas dans le Power Trio. Le line-up live, là, pour l'instant, c'est avec Xavier Rosé qui joue dans Totoro et Nicolas Couré dans Eiffel. Mais Thomas va nous rejoindre ponctuellement en quatrième. Donc Thomas, il a joué dans Montgomery et puis il a accompagné Dominica pendant pas mal d'années. Et c'est aussi la personne qui réalise mes disques et aussi mon mari. Bon, bah voilà. Et couteau suisse. Un vrai couteau suisse. Et on a aussi travaillé, en fait il y a eu l'arrivée des cuivres en fin de semaine. Donc Clément, il a bossé les partitions auparavant. Il m'a demandé l'autorisation de rajouter des arrangements en trombone, parce qu'il y aura deux trompettes, un trombone, ou bugle trombone trompette. Ouais non, ça va être super hein. se laisser surprendre, envahir par la musique. C'était We Are You à l'instant, tiré du dernier album de Laetitia Sherif, que l'on va retrouver immédiatement, maintenant, tout de suite, dans la... Non, c'est pas la dernière partie de l'interview, c'est l'avant-avant-dernière, l'antépénultienne. Voici donc Laetitia Sherif dans The Rocks. Un autre morceau de l'album, Pamper Yourself. Est-ce que tu pourrais placer toi-même l'auditeur ou l'auditrice dans le décor idéal pour écouter ce morceau? Parce qu'il est très atmosphérique aussi. Je pense que c'est une balade solitaire, accompagnée d'un bien-être incroyable, d'être libéré de quelque chose malgré un manque un jour, et de sortir de son quotidien, d'avoir la force de prendre sa bagnole, prendre le train, prendre son vélo, et se retrouver dans l'endroit idéal pour pouvoir jouir un maximum des choses qui peuvent t'attendre. C'est ça. Donc, où tu veux. He pampers himself, 'cause no one did since he was a kid. Since he was a kid. Since he was a kid. Laetitia Sherif et dans The Rocks. Est-ce que tu as une sorte de fantasme musical de collaboration qui te tient depuis longtemps et comme les cuivres que tu n'oses pas mais qui vont arriver comme les cuivres? Alors quelqu'un de vivant si possible, sinon c'est compliqué mais... Il y a eu une période, c'était Robert Wyatt, mais c'était un peu trop rock prog, un peu trop barré pour moi. Je pense que une personne comme j'aime bien Jeff Barrow du groupe Beck, B-E-A-K. J'aime bien ce qu'il dégage, ce mec-là, et de Portishead aussi. Hein. Qui c'est que j'aimerais bien Shannon Wright, Nick Cave, il me fait trop flipper. Je crois que j'aurais un peu trop les boules. Et je suis trop bouleversée là depuis deux albums. Je crois que c'est une autre, c'est un autre monde. Tout ça, quoi. Dans les gens accessibles, il y a tellement de gens. Il y a le chanteur Loulou de Bantam Lions qui est vraiment un très beau. Enfin, c'est un super chanteur. La liste est longue, hein, finalement, quoi. Pauline de Hiéropoporos, qui est une super guitariste. D'ailleurs, il y a un morceau qui est que qu'on n'a pas joué dans l'album qui est de côté, tu vois, j'avais envie de dire bah allez, on se fait ça. Il y a plein de gens que tu connais pas, enfin, mais le voilà, le truc fantasme, ça fait peur un petit peu, hein, aussi, quoi. Je dirais peut-être Miranaldo de Sonic Youth, ou Thurston Moore, ou Kim Deal. Oh là là, je serais contente. Je sais pas. Enfin, encore des morceaux, je sais pas. Quand on s'est appelé la dernière fois, elle faisait pas grand chose et tout ça, mais elle est en train de. sûr, je pense qu'on est assez loin de Sonic Youth là avec ça, mais c'était Lee Ranaldo qui a été cité comme influence et comme petite envie de collaboration par Laetitia Sherif à l'instant. C'était avec Lisa Hannigan, chanteuse qui était la complice de Damian Rice pendant pas mal d'années, sur ce morceau Mountains of the Moon qui donne envie d'aller traîner un petit peu en Irlande, à Dublin, et d'aller boire quelques verres. C'était donc Lee Ranaldo, Lisa Hannigan, et on va retrouver Laetitia Sherif et la musique de Laetitia Sherif une dernière fois dans On The Rocks avec cette interview. Merci beaucoup à Jean-Philippe, à l'Astrolab, à Hop Hop Hop, enfin à tout le monde, à toutes et surtout à Laetitia Sherif qui ont permis de réaliser cette interview et cette retrouvaille avec la grande Laetitia. Voilà donc la dernière partie de l'interview qui est d'ores et déjà disponible sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. On a vraiment été très joyeux tous là de retrouver évidemment les concerts, de te voir sur scène à nouveau. Toi, tu l'as dit sur scène que ça faisait du bien. C'est alors que c'est, essaye de creuser un peu ça. Quelle sensation ? Tu retrouves tes chaussons ou faut se remettre un peu ? Ah non, pas chaussons, pas des chaussons. Non, non, non. Au contraire, on est tendu, on est. Mais il y a eu un moment, en fait, j'ai l'impression de qu'il y avait deux mains géantes qui nous prenaient tous là, tous ensemble, et puis qui nous faisaient faire un petit tour comme dans un parc d'attractions, quoi. On sort d'un espace temporel. Il y a des choses, tu fixes sur des choses, le ciel. Je vois des regards, et en même temps je regarde mes deux copains avec qui je suis sur scène. Je vois au loin Dominique qui est au son, Audrey. Je me dis punaise, c'est pas vrai, on y est, quoi. J'arrive à réfléchir en même temps que je joue, et en même temps je réfléchis plus. Je me plante. On est touché, on est la vie, c'est du spectacle vivant. Ouais, et puis dernière question, peut-être la plus importante, parce que la France doit savoir. La dernière fois que tu es venu à Orléans, tu as dansé un slow avec Mathieu Dufault, programmateur de l'Astrolab. Alors maintenant, il faut le dire, il y a prescription. Est-ce qu'il t'a écrasé les pieds ? Ben, s'il l'a fait, je m'en souviens plus. Je crois déjà, pour que je fasse des slows, il faut vraiment que je sois fatiguée. Hein. On va dire fatiguée. je m'en souviens plus. Puis cela dit, s'il l'avait fait, je sais pardonner. Puis des grands panards, moi, je suis du 40, hein, donc pas facile. Merci de cette franchise. Eh ben, ravi de t'avoir revu. Et puis. Moi, c'est génial. Ouais, et puis à bientôt, j'espère. Ben, avant 6 ans. Ciao. Salut. A world outside. Allez voir Laetitia Sherif en concert, c'est un conseil. Et puisqu'on parle de concert, voici un morceau que je dédie à Miss B. Et je ne vais pas le présenter moi-même puisque le chanteur s'en charge lui-même. C'est enregistré live, l'album est tout chaud, il est live et il est bien de chez nous. Okay, this one's called Mr. B, and it's about Mr. B. Yeah. nouveauté dans The Rocks à l'instant, c'était Goodbye Honolulu avec Leave Your Love Behind, et un peu dans le même style, c'était un extrait de l'album live des Sequoia Fever qui sort ces jours-ci, qui va pas tarder. Ça s'appelait Mr. B et c'était pour Miss B, puisqu'on était dans le rock'n'roll et le côté un peu sale morveux. Eh bien, on continue avec encore une nouveauté, The 555 avec le morceau Polly. Between me and your mother, I'm not telling you I love her, but I gotta come over. She gives me eyes like she wants me under the covers. Hey, I think I just found out where you get it from. You wanna try something new? For you to pull a collar like you do. I'm not scared, I'm just impaired. I even know you like to share, but I don't care if it's hurting you. Feel it too. We're back and forth with our emotions and our actions. No distractions while I'm figuring out how not to blow it. Can't be held responsible and I know I'm not in control. Your mom taught me all things are possible. I'm not telling you I love it, but I gotta come over. I'm alone with you. Tell you all. était encore dans The Rocks à l'instant, c'était The Baby Breaks avec, c'est fini, The Baby Breaks avec Dopamine, et puis juste avant, c'était The 555 avec Polly, tout simplement, tout court. Vous allez retrouver Rémi et l'arrêt d'arc du sport qui va vous causer tout ce qui s'est passé. Il se passe des choses avec le ballon, il y a Courtois qui a râlé. T'as vu ça? Encore Courtois, il n'est pas content. C'est le seum. On va se terminer l'émission avec un morceau de Matt Pond, PA. C'est un groupe assez méconnu par chez nous, mais ils viennent de sortir un bien joli morceau qui s'appelle Spaceland. Et ils n'est pas tout seuls, ils ne sont pas tout seuls, puisqu'il y a Nada Surf qui est avec eux. Voici donc Nada Surf qui, dans le concert à l'Astrolabe, est repoussé au mois de juin. Voici donc Nada Surf avec Matt Pond, PA. Je vous retrouve la semaine prochaine, 19h, dans The Rocks. Ciao, bye bye. Get me back down to the floor. light.